Lorsque c'est arrivé, nous n'étions évidemment pas là. Les choses avaient fini par se dégrader. Et nous, refusant d'admettre ce que l'on savait déjà, on les a vus morts dans la foulée. L'un et puis l'autre, se suivant à quelques années près, ne se rendant plus vraiment compte. Ces corps que l'on avait autrefois si souvent serrés, on n'avait même pas pu les toucher. Il avait fallu les mettre en terre, l'un et puis l'autre. Lorsque c'est arrivé, nous n'étions évidemment pas là. Et puis, on s'en est vite rendu compte. Rien que l'on connaissait déjà. Rien que l'on connaissait déjà.